Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand. Salut Michel. Bonjour Danny. Michel, gros tournoi, deux gros tournois en fin de semaine. C'est rare que les gens de Chibougamau reçoivent, mais vous recevez en fin de semaine. Ça doit être un tournoi senior, c'est ça? Non. Non, OK. C'est deux tournois. C'est le Fildé régional qui va avoir lieu dimanche le 14. OK. Et on précède toujours chez nous le samedi d'un tournoi invitation en équipe de deux joueurs. OK. Donc, pour samedi, on devrait être pas loin d'une cinquantaine de joueurs. Et au fil des 40 à 45 joueurs. Donc, deux belles journées de golf en vue, dans des conditions magnifiques. Aujourd'hui, il fait averse, demain aussi, mais pour les belles journées de soleil qu'on a eues, ça va nous ramener un beau vert magnifique parce que notre parcours de golf. Je pense que c'était quand même, ça va être bien vu quelque part, là, hein? Oh oui, c'était nécessaire. Oui, hein? C'était nécessaire. On commençait à voir plusieurs allées, là, qui étaient brunes, jaunes. Et la pluie d'aujourd'hui, de demain, là, va ramener complètement, là, si on peut dire, là, les vraies couleurs. Bon, ben ça va faire du bien, effectivement, parce qu'on avait besoin de... Il y a beaucoup de monde qui ont chialé sur l'été, mais depuis deux semaines, là, pas grand-chose à dire. Hein. Ça ressemble à l'année passée, un début de saison lent, difficile, mais depuis deux semaines, effectivement, les conditions sont bonnes, le soleil est au rendez-vous, puis on note une plus grande achalandage. Oui, comment ça va du côté de l'achalandage? Bon, chez nous, c'est sûr que ça se compare pas. Non. Avec les clubs du lac Saint-Jean. Ouais. Mais à date, on est bien satisfait. OK. Pierre-Alexandre Bédard a bien fait en fin de semaine. Écoute, Kevin menait tout le temps. Puis Pierre-Alexandre, la dernière journée, t'sais, Pierre-Alexandre a joué la régularité. Puis Kevin, finalement, il a dépassé Kevin au fil d'arrivée. Là. Oui, les deux dernières journées. Ouais. Deux excellentes rondes de moins 6, ils ont permis là, de se terminer à moins 11 pour être deuxième ex aequo. Mm. Donc, une très belle performance. J'ai des gens d'ici qui ont allé voir deux rondes et m'ont confirmé là, que Pierre-Alexandre est sur la bonne voie d'un retour. Mm. Il a retrouvé le contrôle de son bois numéro 1 okay. et sa grande force. Parce que son recours est toujours excellent. Que donc, on devrait en entendre parler encore dans les prochaines semaines. Ben, bravo. Ben, ça fait le tour cette semaine, Michel? Ça fait le tour cette semaine, on se reparle la semaine prochaine. Voilà, c'était la chronique du club de golf de Chibougamau avec Michel Lallemand.